Merci beaucoup, surtout d'avoir ouvert cette perspective visuelle à ce que nous avons parlé ce matin. Quelqu'un peut poser une question, un commentaire, ou chercher un éclaircissement. Nous avons justement parlé ce matin surtout du rôle de la réception dans l'interprétation de la musique et du fait que ce sont les consommateurs, surtout de la musique et de la musique, qui demandent un sens, et que les créateurs de l'art résistent souvent à cette insistance. Est-ce que vous croyez que c'est la même chose pour les peintres? Explique un peu. Je crois que le débat est très intéressant à partir du moment où les poètes, que ce soit Baudelaire et tous ces énormes poètes, puisqu'en fait, dans la seconde moitié du 19e siècle, il n'y a jamais eu autant de poètes en France, même par rapport au 16e siècle, puisque Hugo a côtoyé Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, Théophile Gautier. C'est surtout... Banville. Banville, évidemment. Banville, évidemment. Je n'avais pas insisté. Et qui était d'ailleurs illustrissime, célébrissime dans la seconde moitié du 19e siècle. Et en fait, il y a eu des critiques d'art, surtout de peinture, mais très peu de critiques de la musique. Et on se rend compte que la découverte, par exemple, Mallarmé, il est arrivé extrêmement tardivement, il avait déjà composé le Faune, avant de découvrir vraiment la musique. Sa fille Geneviève, qui voulait absolument apprendre le piano, elle a toujours été bridée parce qu'il n'a jamais voulu acheter un piano pour mettre dans l'appartement, il ne supportait pas la musique. Et c'est très intéressant ce rapport où finalement, un petit peu comme quelque part dans la recherche du temps perdu, ce qui est fascinant, c'est que on parle de la musique pour l'effet qu'elle produit. Donc le discours sur la musique est un métadiscours qui manque un petit peu d'armes rationnelles. Et la sonate de Vinteuil, on essaie encore de savoir aujourd'hui, c'était une sonate, la sonate de Franck, une sonate de Saint-Saëns, de Guillaume Lequeux, simplement parce que c'est pas important. Le temps de la mémoire, le temps de l'écriture, ce qui est un petit peu le projet philosophique et existentiel, métaphysique de la recherche, eh bien, se dispense des mots pour dire, eh bien, c'est telle sonate, cette sonate de Vinteuil, c'est ça. Et je pense qu'en musique, c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Mallarmé, quand il enrage et écrit à un moment qu'il veut reprendre à la musique son bien, c'est pas le bien de la musique, c'est le bien qui a toujours été celui de la poésie, en ayant une image extrêmement élevée de la poésie, une image mythique qui, effectivement, qu'il retrouve dans la musique de Wagner, non parce qu'il aime la poésie de Wagner, ni la musique, mais qui voit à l'image de ce qu'on pourrait trouver peut-être, je sais pas, on parle de mondial de football, cette espèce d'engouement et de religion autour d'un rite. Et je crois que c'est ce qui est assez important. Voilà. Et je pense que ce passage aussi d'un système ancien de lut pictura poesis, c'est-à-dire qu'il fallait représenter, et qu'il fallait représenter avec les mots la nature, qu'il y avait cette espèce de beau idéal érigé depuis Aristote, tout d'un coup on se dit on peut essayer d'exprimer quelque chose par-delà les mots, fait que les trois arts, de toutes les façons, ont été reliés les uns aux autres de manière indubitable, et que cette histoire de réception, d'une part, de goût et de représentation, c'est ce qui a fondé, à mon avis, tout ce qui a pu être créé dans cette seconde moitié du 19e siècle, quels que soient les arts. Ça me rappelle justement les remarques de Robert sur la photographie, qui pourraient être exactes, mais qui n'étaient pas à cette époque artistique. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Florent Dutcher, qui est perfectly capable of understanding questions in English, he might reply in French. Well, thank you very much indeed for opening up these perspectives. Thank you. We are a little bit behind time, so.